Libéré vous fait découvrir toutes les informations sur les auteurs, les époques, les lieux, les personnages, une problématique, un fait de société qu'un ouvrage évoque, les influences, le genre, les courants littéraires, que sais-je encore. Procope Iséré vous donne la parole, vos idées, vos questions, vos suggestions sont les bienvenues. Procope Iséré, c'est sur la radio Iséré FM, tous les dimanches de 15h30 à 16h30. Procope Iséré, c'est nous, c'est vous, c'est toutes nos idées. Bonjour et bienvenue à l'émission Procope Iséré de ce dimanche, une émission qui nous replonge encore dans la littérature. Et aujourd'hui, on a sur le plateau le Moyen-Âge littéraire. À la présentation, c'est Gaspard Nkoumazambo et l'émission Procope Iséré vous est présentée chaque fois de 15h30 à 16h30 sur la radio Iséré FM tous les dimanches. Et c'est quoi le Moyen-Âge? On appelle Moyen-Âge dans l'histoire de la littérature française les 12e, 13e et 14e siècles. Ces trois siècles nous paraissent constituer une époque distincte, séparée de ceux qui la précèdent et de ceux qui la suivent. Le commencement de cette époque est marqué en Europe par une crise sociale de laquelle sortent tout à la fois les communes, l'organisation complète de la féodalité et de la papauté, les idiomes modernes de l'Europe, l'architecture appelée gothique. Et les croisades dans la vie sont la brillante inauguration du Moyen-Âge. Pour comprendre le Moyen-Âge, écoutez cette introduction à travers la chronique de Christian Roy. Il est écrivain québécois. Aujourd'hui, je vais vous présenter une courte introduction de la période du Moyen-Âge, puisque c'est à cette époque que va naître la littérature française. Le Moyen-Âge dure environ 1000 ans, du 5e siècle au 15e siècle. Les dates de début et de fin varient évidemment. Mais le Moyen-Âge commence avec la fin de la période précédente, c'est-à-dire avec la fin de l'Antiquité. Et à ce moment-là, on parle de l'Empire romain. En 150 après Jésus-Christ, l'Empire romain couvre une bonne partie de l'Europe et tout le nord de l'Afrique. Mais en 395, l'Empire étant devenu tellement difficile à administrer, on décide de le couper en deux et de créer l'Empire romain d'Occident, donc de l'Ouest, et l'Empire romain d'Orient, à l'Est. Or, en 476, l'Empire romain d'Occident va tomber aux mains de ceux qu'on va appeler les barbares, et il ne subsistera que l'Empire romain d'Orient. À partir de ce moment-là, commence le Moyen-Âge. En anglais, on appelle cette époque aussi « the Dark Ages », parce que, si l'on n'entre pas dans les nuances, on va dire qu'à ce moment-là, pour 1000 ans, toutes les connaissances des Grecs et des Romains, donc de l'Antiquité, vont avoir été perdues jusqu'à ce qu'on les redécouvre avec la période de la Renaissance. L'époque du Moyen-Âge est régie par un nouveau système politique. Ce n'est plus un empire, c'est plutôt un système qu'on va nommer la vassalité, ou un peu plus tard, vers le 10e siècle, la féodalité. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, il s'agit d'un système politique pyramidal, où le roi se retrouve en haut de la pyramide, souvent placé là, supposément, de droit divin par Dieu lui-même. Le roi ayant conquis un vaste territoire grâce à des alliés qu'on appellera des seigneurs ou des chevaliers, le roi donc va diviser son butin de guerre, ses territoires entre ses différents seigneurs afin que ceux-ci lui soient fidèles et continuent à faire des guerres pour lui. Ces seigneurs vont eux-mêmes encore une fois subdiviser des territoires et les louer en quelque sorte à des paysans qu'on appellera des serfs qui eux-mêmes vont cultiver la terre. Ces paysans vont ensuite donner une partie de leur récolte, de leur possession en guise d'impôts ou de taxes aux chevaliers contre de la protection des autres seigneurs ou des bandits qui se trouvent sur les territoires. C'est sous cette ambiance de guerre interne entre seigneurs que va naître le premier texte de la langue française. Il se nomme les Serments de Strasbourg. Charlemagne, qui a été un des grands rois des Francs pendant le Moyen-Âge, va mourir et son territoire sera subdivisé entre ses trois petits-fils, qui se nomment Charles le Chauve, Lothaire et Louis le Germanique. Ceux-ci vont évidemment ne pas s'entendre. Et deux des frères que vous voyez ici, Charles le Chauve et Louis le Germanique, vont décider de signer un traité entre eux contre leur troisième frère. Et étant donné qu'ils veulent que ce traité soit compris de tous, à ce moment-là, tous les textes officiels sont encore écrits en latin, ce qui n'est pas la langue du peuple. Ils vont décider de faire traduire les serments en question afin que tous les habitants de leur territoire respectif puissent comprendre ce qui s'y dit. En 842 apparaissent donc ces fameux serments de Strasbourg qui présentent un texte pour la première fois en langue française. Puisqu'au départ, la langue française est une espèce de mélange entre des langues germaniques et le latin qu'avaient importé les Romains. Voilà comment ça se lit. Pour l'amour de Dieu et pour le salut commun du peuple chrétien et le nôtre, à partir de ce jour, autant que Dieu m'en donne le savoir et le pouvoir, je soutiendrai mon frère Charles ici présent, par mon aide et en toutes choses. Ainsi qu'on doit en toute justice soutenir son frère, à condition qu'il fasse de même à mon égard. Et quant à Lothaire, je ne prendrai jamais avec lui aucun arrangement qui soit par ma volonté au détriment de mon frère Charles qui est là. Eh bien voilà, je comprends votre déception, n'est-ce pas? On s'attendrait à un poème sublime d'amour comme premier texte de la langue française, ou au moins à une prière particulièrement éloquente, mais non. Il s'agit d'un vulgaire traité de non-agression. Néanmoins, la littérature française va prendre son envol. Tout d'abord, je vais vous présenter différents genres qu'on appelle, de façon anachronique, de la poésie et du théâtre, parce que ces genres n'existent pas au Moyen-Âge. Mais c'est ce à quoi on peut davantage les rapprocher. Il y avait tout d'abord la chanson de geste, qui vient du mot latin « gesta », qui signifie « action ». Ce sont des chansons qui parle des croisades, vous savez, ces grandes expéditions pour regagner la Terre Sainte qui ont eu lieu au Moyen-Âge. On chantait la bravoure, le courage des chevaliers qui allaient se battre. De façon presque symétrique, existait également ce qu'on appellera aujourd'hui la poésie courtoise ou le fin amor. Il s'agissait de textes qui chantaient la mélancolie, la nostalgie des chevaliers loin de chez eux et qui s'ennuyaient de leur épouse, de leur amour qui était resté à la maison. Au Moyen-Âge, on présentait aussi des drames religieux. Lors de grandes fêtes religieuses, on présentait donc ce qui ressemble aujourd'hui à du théâtre, sauf que cela n'avait pas lieu dans des théâtres comme aujourd'hui. On se promenait dans la ville à différents endroits, ce qu'on appelait des stations, et l'on rejouait la vie des saints, de la Vierge ou de Jésus. Et on choisissait des lieux, par exemple la forge qui représentait l'enfer dans laquelle on jouait une scène. Et ensuite, on allait déclamer d'autres vers ailleurs devant l'église, le paradis par exemple. Et ces pièces pouvaient durer plusieurs jours parce qu'elles contenaient des dizaines et des dizaines de milliers de vers. Enfin, un autre genre qui aura des échos jusqu'en Nouvelle-France est lié à ce qu'on pourrait appeler la littérature populaire, qui comprenait au Moyen-Âge des farces, des sotties et des chansons. Vous comprendrez que c'était l'équivalent des comédies d'aujourd'hui. Au Moyen-Âge, on appréciait beaucoup ce qu'on appelle le scatologique. Le scatologique, c'est ce qui est lié au pipi, au caca, aux rottes, au sexe, à ce qui est sale. Vous pouvez les trouver un peu immatures, mais devant le succès, on se rend compte que les gens du Moyen-Âge n'étaient pas vraiment différents de nous. Une dernière manifestation littéraire, si on peut dire, ou du moins culturelle, nous est présentée par Victor Hugo dans son roman Notre-Dame de Paris. Dans Notre-Dame de Paris, ce que l'on faisait lors d'une fête qu'on appelait la fête des fous, c'était placer un grand panneau de bois dans lequel on laissait un espace, un trou pour la tête. Les gens faisaient la file, ceux qui voulaient participer, centraient la tête dans le trou, faisaient la plus horrible des grimaces, et selon les applaudissements, on pouvait élire le pape des fous, qui cette journée-là serait considéré comme le suzerain, le roi de l'époque, pour la durée du carnaval. Dans Notre-Dame de Paris, Victor Hugo présente Quasimodo, le bossu défiguré, qui participe au concours, met sa tête dans le trou, ne fait aucune grimace et gagne de façon incroyable ce concours. Au Moyen-Âge, existe aussi ce qu'on appellera aujourd'hui des contes ou des romans, même si encore une fois ces termes sont anachroniques. Un premier exemple s'intitule le roman de renard. Et remarquez tout de suite le T sur le mot renard, j'y reviendrai. Le roman de renard présente la société du Moyen-Âge, mais de façon allégorique. C'est-à-dire que chacun des personnages dans l'histoire est représenté par un animal qui représente un type de la société. Renard représente le paysan dans l'histoire. Le noble ou le seigneur est représenté par Isengrin, le loup. Le roi est un lion, évidemment. Et le clergé, donc les prêtres, sont présentés par le coq qui se nomme Chanteclerc. Dans ces histoires, la ruse est toujours très importante. Parce que dans beaucoup des épisodes, renard en utilisant donc la ruse, d'où l'expression être rusé comme un renard, va réussir à tromper Isengrin ou le roi ou le clergé. La raison pour laquelle renard s'écrit avec un T, c'est qu'à cette époque, le mot renard comme on le connaît aujourd'hui n'existe pas. Mais à ce moment-là, le roman de renard est si populaire que tout le monde se met à appeler le goupil un renard et le terme est resté. D'ailleurs, plusieurs mots encore aujourd'hui changent de signification de cette manière. Il suffit de penser au mot mouchoir que l'on nomme maintenant souvent un Kleenex à cause de la marque, ou même un réfrigérateur qui peut être appelé plus communément un frigidaire. Le deuxième récit très populaire au Moyen-Âge se nomme Tristan et Iseut. C'est l'ancêtre des histoires d'amour que l'on connaît aujourd'hui à la Roméo et Juliette. Dans l'histoire de Tristan et Iseut, Tristan est un chevalier du roi Marc. Et le roi Marc veut se marier, mais ne trouve aucune femme qui lui plaît dans son royaume. À un moment donné, il découvre un cheveu d'or dans sa demeure. Et il décide d'épouser celle à qui appartient ce cheveu d'or. Il envoie donc tous ses chevaliers partout dans les royaumes environnants pour trouver à qui appartient ce fameux cheveu doré. C'est Tristan qui finalement va découvrir la belle Iseut et lui proposera le mariage qui va être accepté. Mais avant de partir, la mère d'Iseut, qui était un peu magicienne, donne à Iseut une potion magique qui rendra follement amoureux les deux personnes qui vont la boire. Évidemment, elle la destine à Iseut et à son futur époux, le roi Marc. À cause d'un quiproquo sur le chemin du retour, vous aurez compris que c'est la belle Iseut et Tristan qui vont finir par boire la potion et tomber amoureux fou pendant 5 ans, si je me souviens bien. Et donc, Iseut doit retourner épouser le roi Marc et devenir sa femme. La plupart des épisodes qui vont suivre cet incident initial vont présenter les astuces que vont utiliser les deux amoureux pour se rencontrer malgré la présence du roi Marc. Enfin, je vais vous donner un dernier exemple du type d'écrits qui apparaissent au Moyen-Âge. Si vous connaissez aujourd'hui Le Seigneur des Anneaux ou le jeu vidéo assez populaire World of Warcraft, eh bien vous les devez à un auteur du Moyen-Âge qui se nommait Chrétien de Troyes. Si vous connaissez Merlin l'Enchanteur, l'épée Excalibur et les aventures des chevaliers de la Table Ronde, c'est parce que vous avez déjà entendu parler des œuvres de Chrétien de Troyes. Il s'agit également d'un des rares auteurs dont nous connaissons le nom, parce que la plupart des récits du Moyen-Âge ne présentent pas d'auteur. La notion même de droit d'auteur n'existe pas au Moyen-Âge. Et donc, c'est par tradition orale que ce type d'histoire se rendra éventuellement jusqu'en Nouvelle-France. Voilà, c'était la chronique de Christian Roy, écrivain québécois, qui nous met sur les traces de la littérature du Moyen-Âge. Et un bon exemple pour illustrer la littérature médiévale, c'est la littérature courtoise, bref, une constitution de la société de courtoisie. Dès le XIe siècle, se constitue surtout dans le Midi et le Sud-Ouest de la France, en Provence et en Aquitaine, des centres de vie aristocratiques. Dans la paix, les mœurs des nobles s'adoucissent sous l'influence des dames qui prennent sur les seigneurs un ascendant de plus en plus marqué. Et pour nous prolonger dans cette illustration, la chronique de Antoinette Essol nous fait découvrir le vrai amour dans la littérature courtoise. Écoutez. La littérature du Moyen-Âge n'est pas d'un seul bloc. Il y a des hauts et des bas. Il y a des moments forts. Par exemple, à l'XIe siècle, sous Charlemagne, c'est le moment où on normalise l'écriture en établissant l'écriture dite caroline. On reconnaît la langue aussi en tant qu'instrument politique On a parlé de ça avec les sermons de Strasbourg. Au IIe siècle, par exemple, nous avons le départ, le vrai départ de la littérature française. Ils adaptent les œuvres antiques, mais de façon créative. On reprend les grands textes latins que l'on traduit de la langue d'origine, mais on traduit et adapte l'histoire d'origine aux valeurs et morales intellectuelles de l'époque. L'amour courtois. Le premier poète qu'on peut dire un précurseur de l'amour courtois, c'est Guillaume IX. C'est le grand-père de Aliénor d'Aquitaine. Lui, c'est le premier poète et troubadour connu dans le sud, en occitan. C'est la langue du sud. C'est un homme de lettres qui tient des cours les plus raffinés d'Occident. Il a eu beaucoup de contacts avec le Moyen-Orient, qui a beaucoup influencé sa poésie. Il a participé aux croisades, surtout il a séjourné à Antioche. Sa poésie est inspirée de l'Évangile et aussi des poètes arabo-andalous. Aliénor d'Aquitaine, petite fille de Guillaume, était la première femme de Louis VII. Et puis, elle s'est mariée avec Henri Plantagenet, le futur roi d'Angleterre, Henri II. Elle a joué deux rôles de mécène, n'est-ce pas, de patronne des arts, et aussi elle a joué un rôle politique. Puis, nous avons Marie de France, une poète qui a vécu pendant la seconde moitié du XIIe siècle. C'est la première femme écrivaine connue, mais aussi on connaît quasiment rien sur elle. Elle écrit dans le prologue « Marie est nomme si suis de France ». J'ai pour nom Marie et je suis de France. Mais c'est à peu près tout ce qu'on connaît. Après, il y a aussi Chrétien de Troyes. Nous n'allons pas étudier Chrétien de Troyes, mais il écrit des romans courtois. L'amour courtois ou la fine amour est une codification de l'idéal chevaleresque. C'est une littérature d'imagination, ça puise dans les fantasmes des hommes ou des auteurs du XIIe siècle, pas des hommes puisque nous avons Marie de France. Cette littérature est créée en même moment où l'Église instaure de plus en plus ses mœurs, n'est-ce pas? L'amour chevaleresque va s'élever à la même hauteur que l'idéal religieux. Donc, il y a un parallélisme entre les deux. Il y a l'amour sublimé, un culte à la dame, laïque cette fois-ci dans la littérature courtoise, mais équivalent au culte mariel où la dame devient une idole. Je cite, la culte de la femme fut la contrepartie romanesque du culte de la Vierge. C'est Georges Duby. L'amour devient alors mystère et exaltation et la dame un instrument de salut. Bon, il y a des raisons pratiques qui sous-tendent tout ça. On vise qu'à marier le fils aîné des grandes familles pour ne pas diluer la fortune familiale. Les autres fils, les deuxièmes et troisièmes fils, entrent en service à un seigneur ou ils rentrent à l'église. Un amour idéal chaste est un moyen d'apprendre la discipline aux jeunes, la patience aussi, et ça sert de contrôle social. Ça fait partie de la formation d'un jeune chevalier. Le code courtois, alors, légitimise le désir inconvénient et ritualise en même temps. Voilà les principes. L'amour est impossible, c'est un amour adultère, mais on ne sait pas exactement si c'est vraiment adultère, le sentiment est adultère. Donc, il y a de l'amour qu'en dehors du mariage. Donc, la discrétion totale est exigée et normalement, la dame doit être d'une condition supérieure. Et la raison pour laquelle c'est le sentiment adultère et que l'amour ne se trouve qu'à l'extérieur du mariage, c'est que le mariage est une affaire de finances. L'échange des cœurs, la fidélité promise n'engage pas de bien, comme dans le mariage, mais seulement les personnes dans une relation adultère. L'amour, c'est la seule façon que l'homme peut atteindre la perfection. Souvenez-vous que l'amour courtois est spirituel et désintéressé, loin des concerns d'argent et d'économie. C'est un amour exclusif. On doit être fidèle et la chasteté est à la fois l'épreuve et la récompense suprême. Il y a une cérémonie qui s'appelle la SAG. C'est un rite de l'amour courtois qui célébrait cette chasteté. Et c'était chanté par les troubadours comme suprême épreuve du vrai amour. La dame imposait à son amant l'épreuve de coucher nu à nu sans se toucher. Selon Georges Duby, il ne faut pas voir dans l'amour courtois une promotion de la femme. C'est un jeu masculin éducatif pour les jeunes hommes, pas encore mariés, célibataires donc. Ils maîtrisent leurs pulsions et leurs sentiments, qu'ils apprennent à maîtriser leur corps dans un tournoi. Si la dame supérieure est distante et mérite le respect et la dévotion, une femme inférieure, de classe inférieure, est maltraitée et sert d'instrument des désirs de ces mêmes chevaliers. Alors les thèmes, souvenez-vous, rappelez-vous que c'est l'inspiration de l'Antiquité latine et de vieux contes celtes. On célèbre le pouvoir magique de la femme. L'amour courtois, c'est un amour d'exception et d'élection, donc choisi, désintéressé. On va chanter la souffrance de l'amour, la douleur. On va être seul et isolé. On va enchâsser dans ces contes le thème de l'écriture même. On a vu dans l'Acoustique, on parlera tout à l'heure. On va avoir des métamorphoses d'hommes en bêtes, n'est-ce pas? On va explorer le côté animal et spirituel de la nature humaine. Aussi, un grand topos qu'on a vu dans l'Enval, c'est la médisance. C'est que le pouvoir de la parole. Le recueil de Lait de Marie de France contient 12 courts récits en octosyllabes à rimes plates. Il faut noter la concision de la forme et son art de la suggestion. Ici, le non-dit parle aussi fort que le dit. Le lecteur doit interpréter le lait et il y a souvent un sentiment de double signification. La rime est en effet une invention de l'Occident médiéval pour permettre d'équilibrer le son et le sens. La rime nous indique ce qui est important. Dans les vers. La rime donne un sens au poème et n'est pas simplement d'un usage ornemental. Le symbolisme joue un rôle important. On a une espèce de clair-obscur d'image qui enrichissent la valeur poétique des textes. La difficulté d'interprétation suscite l'imagination du lecteur. Aussi, il y a présence du merveilleux païen. On avait vu dans les chansons de Gestes le merveilleux chrétien. Ici, on va puiser dans l'imagerie des images et de la culture celte. Les fées, vous avez des loups-garous, etc. Aussi, il y a une ambiguïté du message des laits. Il y a un manque de jugement sur le comportement des personnes. Le Laoustique ou le Rossignol, c'est un exemple type de l'amour courtois, où on met en scène un amour adultère. Le Rossignol ou le Laoustique porte deux charges symboliques, dont la première charge, c'est de représenter l'amour entre l'amant et la dame. Elle écoute le chant comme elle voit l'amant à la fenêtre. Le mari tue l'oiseau et l'amour entre ces deux. La dame est tachetée par l'oiseau mort. Il y a du sang rouge sur le cœur de la dame. Mais aussi, l'oiseau représente l'écriture. C'est une réflexion. Ce conte est une réflexion sur l'acte d'écriture. Marie de France emploie un procédé de mise en abîme, c'est-à-dire le conte que nous lisons est présent en quelque forme dans la narration même. Cet amour est enfermé dans un tissu précieux. Et souvenez-vous que texte vient du mot latin textus ou tissé, tissu, et enfermé pour l'éternité dans une cassette ou dans le lait. Là, l'enval aussi, c'est un autre lait. On a d'autres thèmes qui ressortent. C'est la solitude de l'enval, l'isolation. Vous avez la présence du merveilleux païen, la fée, les richesses, la transportation magique, les cadeaux, etc. Vous avez l'ambiguïté de la représentation de la cour, un endroit qui doit être raffiné, qui en fin de compte est plein de brigues et de médisance. La médisance, c'est un topos ou un sujet commun dans les contes du Moyen-Âge. Ici, c'est la reine qui est repoussée et qui se venge sur l'enval. Et la médisance peut être dangereuse, c'est une question de vie et de mort. Ici, vous n'avez pas un amour adultère, vous avez un amour heureux avec un être qui vient d'un autre monde, la fée. Mais il y a suggestion de l'amour adultère quand la reine propose la botte ou propose un amour avec l'enval. Voilà, et pour illustrer encore une fois le Moyen-Âge, l'œuvre maîtresse est bien la chanson de Roland. C'est un poème épique et une chanson de geste du XIe siècle qui relate 3 siècles après le combat fatal de Chevalier Roland, marquis des Marches de Bretagne et de ses fidèles preux contre une armée vascone et la bataille de Roncevaux en représailles au pillage de Pampelune. Suivez l'histoire avec Elissu Bertrand, littéraux, et elle enseigne à l'université de Nice. Donc bon appétit tout le monde parce que c'est super gore, donc voilà, accrochez-vous, déjà vous êtes avertis. Le but évidemment, c'est principal, c'est de résumer l'œuvre, de vous donner les grands éléments qui vous permettent de comprendre et de retenir l'histoire. Mais je vais quand même commencer, je vais essayer en 2 minutes de vous faire le où, quand, qui va précéder le quoi qui va être le résumé. Donc là, à ce moment-là, on va rentrer dans le cœur du sujet. Alors, première question, qui a écrit la chanson de Roland ? Eh ben, en fait, on sait pas. Voilà, donc ça, c'est vite réglé. À la fin, au vers 4000, il y a écrit « Ainsi se termine la chanson de geste qu'a raconté Turold ». Donc, il y aurait un mec qui s'appelle Turold ou Turoldus qui, à un moment, a raconté cette histoire. Mais on ne sait pas s'il l'a raconté à l'écrit, si c'est l'un de tous ceux qui l'ont raconté à l'oral, si, je ne sais pas si le mec a noté ou si le mec, comme c'est raconté, c'est le mec qui l'écrit. Donc, tu ne sais pas. Donc tu sais pas qui a écrit la chanson de Roland, mais il y a un certain Turold qui tourne autour de cette affaire. Ensuite, deuxième point, bah, c'est quand. Alors bah, pour ça, il faut distinguer c'est quand que c'est écrit et c'est quand que l'histoire se passe. En fait, c'est écrit au début des croisades, donc en 1100 et des patates, mais là encore, c'est pas Carbone 14 et compagnie, hein, c'est pas le mec a ni laissé son nom ni laissé sa date, comme ça c'est beaucoup plus simple pour nous. Donc c'est autour de 1100 et des brouettes, et la problématique actuelle, enfin brûlante des gens de 1100 et des patates, c'est que bah, sur le territoire actuel là, de la France, on est quand même globalement très chrétien, et que le problème c'est que Jérusalem, bah, ville du Christ et compagnie, a été prise par les musulmans. Le truc, c'est que les musulmans, il y a des fois où ils sont tolérants, il y a des fois où ils le sont moins. Là, ils ont décrété qu'il était hors de question que les chrétiens aillent faire leur pèlerinage à Jérusalem. Donc, voilà, donc ça chie un peu début à Jérusalem. Et l'idée, en fait, les croisades, bah, vous avez dû voir les images, les croisés, etc., mais avec les croix dans le dos, etc., c'est de dire, bah, en fait, on s'en fout, notre pèlerinage, on le fait quand même. Et on va pas le faire genre avec une petite robe en lin pour pas avoir trop chaud, etc. On va y aller avec des bonnes tenues de combat et armées jusqu'aux dents. Comme ça, tout ce qui bouge et qui est pas chrétien, on le défonce. Donc là encore, j'avertis les âmes sensibles. C'est pas un texte pacifiste du tout. Hein. C'est un texte d'incitation au combat. Et d'incitation au combat le plus trash possible et le plus gore possible. Donc là encore, pour faire un petit pied de nez à ceux qui disent, je sais pas, j'ai entendu ceux qui disent des énormités dans le genre, oui, c'est normal qu'il y ait l'islamisme parce que les textes musulmans sont violents, etc. Bah écoute, j'ai envie de te dire, pépère, nous on a la chanson de Roland, il y a rien de pire dans le genre incitation à la haine musulmane. Donc pas de, voilà, le monde chrétien n'est pas un monde pacifiste, le monde musulman est loin d'être un monde belliciste, et dès qu'on lit un petit peu nos textes français de France, etc., etc., bah ça vaut pas, voilà, on n'est pas des gros pacifistes pour pour la paix entre les civilisations, et on écrit des choses, enfin on, j'espère pas mes ancêtres qui de toute façon viennent de partout sauf d'ici, mais qui ont dû, enfin bon, peu importe mes ancêtres. En tout cas, ouais, voilà, la culture française n'est pas du tout exemple de gros clichés que la chanson de Roland véhicule, et qui fait que quand on l'enseigne, on devrait faire un petit peu gaffe quand on dit c'est un des plus grands textes de la littérature française, de quand même avertir que c'est aussi un des textes les moins pacifistes, et donc qu'il faut l'enseigner avec des précautions légitimes. Bon, fin de la parenthèse. En tout cas, donc voilà pour l'époque à laquelle c'est écrit au début des croisades, Jérusalem est entre les mains des musulmans et les musulmans refusent que les chrétiens aillent faire leur pèlerinage là-bas et du coup, enfin, les chrétiens sont invités par, par le pape et compagnie à aller faire le pèlerinage de manière tout à fait belliqueuse avec le plus d'armes possible pour défoncer le plus de gens possible. Et la chanson de Roland va aller dans ce sens-là et les gars qui la racontent vont la raconter pour inciter les gens aussi à aller se dire « Oula, bah, moi aussi je veux aller casser la gueule aux musulmans pour faire mon petit pèlerinage, pas de raison, bah bah. » Bon. Voilà donc une visée discutable pour le moins. Bon, maintenant, le truc rigolo, c'est que le protagoniste, donc le personnage connu de la chanson de Roland, il a absolument rien à voir avec la choucroute, c'est Charlemagne. Et Charlemagne, on sait, sacre de Charlemagne 800. Et en fait, l'histoire sur laquelle s'est fondé le mec qui a raconté la chanson de Roland pour raconter la chanson de Roland, c'est une histoire qui remonte à 780 et des brouettes, alors qu'il l'écrit en 1100 et des patates. Brouettes, patates, tout va bien. Donc on peut se dire, bah pourquoi il est allé chercher si loin ? D'accord, Charlemagne, il est connu, tout ça, machin, mais on n'a peut-être pas besoin de lui, et quelque part, pourquoi on est allé tirer de, de son 8e siècle où il était bien peinard, un mec qui a rien à voir avec la choucroute ? Donc, bah pourquoi ? Bah en fait, parce que Charlemagne représente une unité entre les différents peuples qui forment ce qu'on appelle actuellement le territoire français, quoi, qui forment actuellement le peuple français. Charlemagne a unifié tout ça alors que c'était très très différent, je veux dire, entre un Normand et un Provençal et un Bourgon, enfin les ancêtres des Bourguignons, etc. Tout le monde se reconnaissait pas comme relevant des mêmes coutumes, etc. Donc il y avait pas les mêmes langues, il y avait pas les mêmes pratiques, il y avait, ça n'avait rien à voir, quoi. Et du coup, c'est dur de fédérer un peuple contre un ennemi commun si on commence pas par leur faire croire qu'ils sont pareils. Et comme Charlemagne incarne un moment d'unité qui est plus fédérateur que ce qui précède et plus unifié que ce qui va suivre, tant mieux, on prend Charlemagne. Et comme ça, ça choque pas que Charlemagne dise la France, la France, la France, douce France, douce France, douce France, etc., etc., puisqu'il est le mec de l'époque où c'était plutôt unifié. Voilà, et en fait, le but toujours quand même globalement condamnable, et évidemment un but politique, qui est de dire, eux c'est les méchants, nous c'est les gentils, donc on va tous les tuer, c'est pas grave, c'est pour le bien. Voilà, donc du coup c'est beaucoup plus simple si on a l'impression, si les gens, parce que j'ai pas fait la les croisades, je promis juré. Donc en tout cas, l'idée c'était de fédérer autour du fait que ceux qui allaient faire les croisades étaient bien un groupe bien uni contre en fait les autres. Et alors les autres, là encore, bon je m'étends pas parce que le principal c'est de résumer la chanson de Roland. Mais les autres, alors, c'est caricature et compagnie. Le mec qui a écrit ça, il n'est pas très au courant de la complexité du monde musulman. Il n'est pas du tout au courant des nuances, etc., etc. Pour lui, déjà, musulman et païen, c'est pareil. En fait, ça veut dire non-chrétien. Ça veut juste dire, même au-delà de musulman, de païen, etc., c'est dire personne que tu dois aller défoncer parce que c'est comme ça et que le but, c'est de t'endoctriner, quoi. Bon, voilà, donc c'est parti. Donc on a tiré Charlemagne de son 8e siècle où il était tout pépouze pour l'embarquer dans une histoire pas possible au nom des croisades qui se passent au 11e siècle et faire d'un épisode qui s'est passé sur l'arrière-garde de Charlemagne mais au Pays Basque avec les Vascos, une histoire complètement transformée entre chrétiens et musulmans, quoi. Donc voilà, bienvenue en terre d'anachronie, on s'en donne à cœur joie. Alors, j'en viens maintenant vraiment au cœur du sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans la chanson de Roland, qui sont les personnages, quelle est l'action, comment ça se déroule, comment ça se termine, etc. Alors, premièrement, il faut savoir un truc, donc il y a Charlemagne. Charlemagne a une sœur, sa sœur avec un mec a eu un fils qui s'appelle Roland, et que Charlemagne adore, c'est un peu comme son fils, etc., il l'adore. Et cette meuf, elle s'est remariée avec un gars qui s'appelle Ganelon. un nom super beau. Et Ganelon, du coup, c'est le parâtre de Roland, le beau-père on dirait maintenant. Mais parâtre, c'est plus chouette pour faire comprendre. Vous connaissez les marâtres dans les contes, en fait, c'est toujours les nanas horribles. qui sont la dernière épouse du roi du coin. Et quand le roi a une fille d'un premier mariage, elle lui en fait voir de toutes les couleurs. Ben là, c'est la même idée, c'est-à-dire que c'est le mec qui a épousé une meuf qui avait déjà un mioche et il le déteste, quoi. Il le déteste parce que il est pas de son lit à lui, comme on dit. Donc il aime pas, voilà. Donc on a Charlemagne qui adore Roland qui est son neveu et Charlemagne qui est aussi le beau-frère de Ganelon. Et Ganelon, lui, déteste Roland. Et en fait, l'histoire va vraiment tourner autour de ça, quoi. C'est ça qui va faire l'intrigue, la dynamique de l'action. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, en fait, au début de la chanson de Roland, on campe une histoire qui a rien à voir avec l'histoire réelle. On dit, voilà, ça fait 7 ans que Charlemagne et ses troupes sont en Espagne. Ils ont défoncé tout le monde, donc sous-entendu des musulmans ou des païens. Bon, c'est pas trop, mais les gens qu'il s'agit d'aller buter à Jérusalem. Donc voilà, il est triomphant, super, machin, et il est en train de rentrer chez lui en France. Et donc, il est sur le point de passer par Saragosse. Saragosse, en fait, pour le situer, bon déjà vous pouvez regarder une carte, mais pour vous éviter de faire cette action pénible, je vais faire une géographie virtuelle. En fait, si vous tracez une droite de Madrid à Montpellier, donc ça va faire un truc incliné comme ça, et vous mettez un point au milieu, vous arrivez grosso modo à Saragosse. Bon, par contre, ne le faites pas en voiture, parce que sinon je vais vous envoyer à n'importe où, je sais pas trop où, dans les... Bon, peu importe, en tout cas, vous voyez en gros, quoi. C'est le haut de l'Espagne, près de la frontière actuelle française, quoi. Pas trop, trop loin. Voilà, donc... Ok pour Saragosse, et donc il est en train de remonter du trou du cul de l'Espagne pour arriver à la frontière et rentrer en France chez lui. Et en fait, il reste un musulman à Saragosse, et le mec voit que toute l'Espagne s'est fait défoncer par Charlemagne, parce que Charlemagne est très très très très très glorieux, et en fait, bizarrement, il a pas très très envie de se faire défoncer aussi, et du coup, il essaie d'échafauder un plan pour que Charlemagne le défonce pas. Donc il réunit ses conseillers, et donc c'est la première scène de la chanson de Roland, et il leur dit, donc Marsile, le roi Marsile de Saragosse, qui est à Saragosse, rassemble ses conseillers, et leur dit, voilà, on est super musulmans, le truc c'est qu'il y a un super cato qui arrive, il va nous défoncer, défoncer, défoncer, il est très très fort, c'est une manière de chanter la gloire de la France, mine de rien, tu vois, on le met dans la bouche de l'ennemi, et il dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont forts, oh là là, leur pays il est si beau, machin, tout ça. Donc ça coûte rien de se flatter à travers la bouche d'un personnage fictif qui est censé ne pas nous aimer. Donc en tout cas, Marsile dit à ses conseillers, voilà, il est très fort, il a défoncé tout le monde, il va encore nous défoncer, moi je veux pas qu'on nous défonce, j'aime bien la vie et tout et tout, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc il se fait conseiller, et le résultat des tractations, c'est en gros qu'il va envoyer des ambassadeurs à Charlemagne, et ces ambassadeurs seront chargés de lui dire, écoute Charlemagne, nous on te laisse traverser Saragosse sans t'embêter, et quand tu seras rentré en France, promis juré, nous on vient se convertir à la religion chrétienne chez toi. Moi je dis le plan ça pue, tu vois, rien qu'en le disant pour vous je me dis mais si le mec il va gober ça, c'est que c'est pas un grand politicien, quoi. Bon, donc il envoie son émissaire, son ambassadeur, l'ambassadeur va voir Charlemagne, et Charlemagne dit wait a minute, je vais réfléchir. Charlemagne rassemble ses propres conseillers à lui, il se touche la barbe, ça c'est... C'est toute la chanson de Roland, ça. Il se touche la barbe. Je me touche la barbe, je réfléchis. Donc il se touche la barbe, et puis ils prennent une décision avec ses conseillers. Alors Roland tout de suite il dit, oh là là, mais de toute façon on va aller le défoncer, on a défoncé tout le monde, un de plus, c'est encore mieux. Et les autres font... Tu vois, ils ont pas forcément envie de se faire défoncer, ou de défoncer, ils sont un peu fatigués, ils ont défoncé toute l'Espagne et tout. Donc ils se disent, non, nous on a juste envie de rentrer peinard, donc Roland tu te calmes et tu te rallies à la majorité. Donc Roland il dit ok, de toute façon il n'a pas le choix. Donc ils disent ok, on va traverser Saragosse sans défoncer tout le monde, et après ils vont venir avec nous en France, et les musulmans, et ils vont se convertir à la religion chrétienne, c'est top. Et le truc, c'est qu'il faut envoyer des ambassadeurs à Marsile, donc le roi musulman de Saragosse. Et le truc, c'est que bah, être ambassadeur à l'époque, c'est hyper risqué. C'est-à-dire qu'en gros, les gars qui sont envoyés, en général, t'as un cheval qui revient avec la tête tranchée du gars. On avait déjà vu ça dans Game of Thrones, on ne l'a fait plus du tout à nous. Donc, tout le monde se met à siffloter. Genre, voilà, qui on va emmener? Je sais pas, j'ai un truc à faire, machin et tout. Et en fait, Roland, il se propose. Charlemagne dit non, non, non, pas toi, je t'aime trop. Alors, il y a d'autres qui se proposent, ils font non, non, non, non, vous êtes trop important, etc. Et Roland, il dit bah, Ganelon, on va prendre beau papa, mon espèce de paraître à la con. Et l'autre, il est dégoûté. Pourquoi moi et tout? Moi, j'ai rien demandé, machin. Le truc, c'est qu'on est à une époque de fierté, machin. Du coup, si Charlemagne te dit que ça va être toi l'ambassadeur, ou si t'es désigné par ambassadeur, et que tu pars en sifflotant, c'est la honte pour toi, ta famille, tes descendants sur 18 générations. Et donc, du coup, il y va, Ganelon. Il dit, ok, moi, je veux bien aller être ambassadeur chez Marcile, mais dans sa tête, il se dit, Roland, je vais me le faire. Roland, je vais te le défoncer, mais tu sais même pas comment, quoi. Tu vas voir, quoi. Bon. Et donc, il part, mais il part rageux. Donc, il part, et il va voir Marcile, et il lui dit, ok, c'est bon, machin, tout ça. Et il lui dit, mais j'ai un plan. J'ai un plan. En fait, on va monter un truc. Toi, tu n'auras pas à aller convertir les tiens. Tout ce que je te demande en contrepartie, c'est que tu te débarrasses de Roland. Donc, je t'explique le truc. Donc, le gars est tellement rageux il veut trouver un moyen de faire tuer comment on appelle ça, son beau-fils, enfin le fils de sa meuf, le fils du premier mariage de sa meuf, Roland, il veut le faire défoncer. Et il sait qu'il ne peut pas le faire, lui, et puis il ne peut pas demander à Charlemagne, parce que Charlemagne l'adore, que s'il le fait, il sera banni ou dépecé parce que tout le monde l'adore, etc. Donc il se dit, bah, là je suis avec les ennemis, je peux peut-être monter un coup avec eux pour qu'ils m'aident à défoncer Roland, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et du coup, il monte un plan qui est vraiment pas débile. Il dit, voilà, en fait, moi je vais me débrouiller pour que Roland, il soit dans l'arrière-garde. Alors, qu'est-ce que c'est l'arrière-garde? Bah, en fait, dans une armée, il y a ceux qui vont en éclaireur, donc ils sont au tout début des troupes. Ils vont regarder s'il y a des gens planqués, si le terrain est miné, au sens figuré à l'époque, évidemment. Donc, si le terrain est dangereux, s'il y a des gens déjà dessus, si, voilà, si on peut y aller ou pas, si la voie est libre ou pas. Donc voilà, donc ça c'est devant. Ensuite il y a le gros des troupes et ensuite il y a l'arrière-garde. L'arrière-garde, bah, c'est voilà, ceux qui surveillent les arrières. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui viennent par derrière, ils disent, oh là là, les gars, il y a des gens qui arrivent. Soit barrez-vous plus vite, soit revenez avec nous. Et c'est pour ça qu'ils ont un corps de chasse. Ils ont un corps de chasse parce que comme ça, s'il y a un problème qui se passe à l'arrière, ils peuvent appeler le gros de l'armée pour qu'ils reviennent, parce qu'ils vont pas au même rythme, quoi. Il y a des kilomètres qui les éloignent. Donc, Ganelon dit, je vais faire en sorte que Charlemagne soit dans l'arrière-garde. Et en fait, comme ça, bah, les troupes de Charlemagne, elles vont s'éloigner, s'éloigner. Et vous pourrez attaquer Roland tranquille. C'est quoi l'intérêt? C'est que sincèrement, bon, moi, du coup, tu me défonces Roland, que je supporte pas, j'ai envie qu'il crève, qu'il crève, salaud! Voilà. Donc toi, tu me défonces Roland. Et en fait, ta contrepartie, c'est que Roland, il est tellement vaillant et Charlemagne l'aime tellement qu'en gros, tu lui enlèves ce qui fait sa valeur, quoi. Charlemagne, en fait, s'il est fort, c'est déjà parce qu'il a un neveu qui s'appelle Roland, qui est hyper belliqueux, qui est excellent au combat, etc. Et en plus, si tu tues celui qu'il aime, donc si tu tues Roland, bah Charlemagne va être tellement malheureux qu'il va se battre comme une merde. Donc c'est tout bénef pour toi, parce que Charlemagne sera affaibli et tu pourras le défoncer facile et t'auras pas à te convertir à la religion chrétienne. Marcille dit ok, ouais, c'est un super bon plan, je marche. Voilà, donc il faut la petite deal et tout. Et Ganelon rentre et puis il dit à Charlemagne, ok, c'est bon. Du coup, les troupes, machin, traversent Saragosse tranquille, etc. Et Ganelon s'est débrouillé pour que Roland soit à l'arrière-garde. Et donc, il est à l'arrière-garde. L'arrière-garde, ça fait quand même 20 000, 20 000 bonshommes, quoi. Donc, c'est pas rien. Donc, ils sont 20 000. Et dans cette arrière-garde, donc, bah, il y a 20 000 personnes, donc j'ai quand même pas les énumérer. Surtout qu'en tout, je dois en connaître 12, quoi. Mais je vais pas faire les 12 non plus. Les plus importants, c'est Roland. Ensuite, Olivier, c'est son meilleur pote, etc. Et l'évêque qui s'appelle Turpin. Alors l'évêque, c'est un rôle super important parce qu'évidemment, comme les combats sont censés représenter le fait d'avoir Dieu de son côté, bah il vaut mieux, enfin on se sent plus rassuré si le mec qui incarne la religion nous a bénis avant. Enfin nous, encore une fois, je suis pas un croisé, j'aime pas me balader en armure spécialement, surtout marcher pendant des mois sous la chaleur, machin. Non, voilà, c'est pas... Non, c'est... En plus, je suis complètement pacifiste et inoffensive et tout. Donc, non, en fait, non, pas nous, pas moi, pas on. En tout cas, c'est bien pour eux, ils aiment bien avoir un évêque, parce qu'il les bénit et que, du coup, ils pensent qu'ils vont gagner. Et en plus de ça, c'est pas un évêque qui reste chez lui en soutane et qui reste à l'écart du combat en disant « Ouais, c'est bien, battez-vous, les gars !» Non, il est super belliqueux et... Bah, à un moment, on va voir comment il va mourir. Il va défoncer tout le monde avant. Hein. Le mec, il a 4 épieux dans le corps, quoi. Donc, quand même, hein, 4 trucs énormes qui le transpercent. Il est transpercé, d'accord ? Il y a des lances qui le transpercent. Et le mec, avec ses 4 lances, il va encore tuer 10 personnes, ou 20 même. Je sais plus. Enfin, bon, en tout cas, il défonce tout le monde. Qu'il est juste avant de mourir, quoi. Donc, il a la pêche et il est pas que un petit homme d'église qui prie, quoi. Non, loin de là. Donc, on retient juste Roland, Olivier, Turpin. Donc, Roland, Olivier, Turpin et 19 997 personnes sont à l'arrière-garde. Et donc, à l'arrière-garde, Roland est chargé du corps. Donc, le corps, c'est comme le corps de chasse. Je l'ai extrêmement bien imité tout à l'heure. Hein. Je vous demande quand même... Des fois, j'aimerais bien qu'on me félicite pour ces imitations merveilleuses. Donc, c'est le truc qui fait comme ça. Mais ça le fait beaucoup plus fort, puisqu'on l'entend quand même à 130 km à la ronde. Donc, c'est utile, quoi. C'est efficace. Donc, et c'est lui qui est en charge de sonner le corps en cas de problème pour que l'armée se rapplique pour les aider. Et du coup, bah, quand l'arrière-garde traverse Roncevaux, donc c'est pour ça qu'on parle de Roland de Roncevaux, etc., donc un bled dans le Pays Basque, dans l'actuel Pays Basque, pendant qu'ils traversent ça, il y a Marsile et ses armées, donc eux ils sont 100 000, donc ça va faire 20 000 contre 100 000, donc c'est un petit peu comme ça qu'on va voir qu'ils sont hyper valeureux, etc., etc. Donc Marsile et ses copains arrivent et commencent à attaquer, enfin non, plutôt il y a Olivier qui entend du bruit, il se retourne et là il voit sur la plaine 100 000 gus avec les armées qui brillent au soleil, etc., il se dit « Ouh, putain, ça pue pour nous !» Et donc du coup, il dit « Roland, mon ami Roland, sonne du corps, appelle-les !» Je veux dire, là, on est un petit peu... J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu... Je sais pas combien de fois plus nombreux que nous, mais en tout cas, on va se faire défoncer. T'as beau être courageux, valeureux, tout ça, à l'aide. Voilà. Et du coup, Roland, il fait « Mais même pas en rêve. Même pas en rêve, je sonne du corps. » Il regarde les 100 000 personnes, il dit même pas peur et tout, bon, il est un peu casse-couille. Voilà, donc non, hors de question, on va se les faire, on est 20 000, ils sont 100 000, no problemo. On est au moins aussi fort qu'eux, on va les défoncer. Et Roland et Olivier lui dit mais t'es con quoi, ils sont 100 000, on va se faire défoncer. Et en fait, je le dis plusieurs fois parce qu'en fait, ça dure sur plusieurs pages, et donc Olivier dit oh là, appelle-les. Et Roland fait ah, jamais de la vie, par mon épée enchantée, voilà, et en fait, c'est là que vous avez le vers hyper connu, Roland est preux et Olivier est sage, tous deux sont de merveilleux compagnons, enfin hyper connu pour ton grand-père, quoi, donc Roland est pieux et Olivier est sage, donc Olivier est sage parce que, bah voilà, on te dit d'appeler au secours, si t'es en danger, t'appelles au secours, c'est quand même pas compliqué. Donc voilà, et Olivier et Roland est preux, bon, en fait il est juste tête brûlée, et il veut tous les défoncer un par un. Bon, du coup, ils sonnent pas le corps, et les gars arrivent, et du coup, là, c'est des duels. Les duels de l'époque, évidemment, on se tranche en deux, on se plante des pieux dans les yeux, on a la cervelle qui tombe par terre, c'est très poétique, quoi. Voilà, donc, ils les défoncent, et puis, quand même, comme ils sont quand même 20 000 contre 100 000, au bout d'un moment, ils sont plus très nombreux, ils sont tous, presque tous complètement morts, etc., en même temps, évidemment, les autres sont pas vraiment en meilleur état, etc. Mais ils sont... voilà. Et là, Roland se dit, je vais peut-être sonner le corps. Peut-être que maintenant, là, on va peut-être vraiment perdre, quoi. Et donc ça veut vraiment dire qu'il est... Ouais, que c'est la merde. Et du coup, il prend le corps, et il sonne, et en fait, il sonne tellement fort qu'il se fait péter la tempe. Donc ça, c'est le truc de la chanson de Roland, c'est, il est là, ah, Roland sonne, truc comme dans les mangas, voilà, bon. Il se fait péter la tempe, mais ça n'empêche pas de tuer encore 100 personnes, une à une, voilà, en combat singulier, puis au cœur de la mêlée, puis ainsi de suite. Donc il sonne du corps. Turpin avec ses 4 lances dans le derrière, il va encore tuer 100 personnes. Olivier, il tue 100 personnes. Il y a Olivier qui, donc ils sont en gros plus que 3 et qu'il y a des, d'autres qui sont à moitié morts. Et puis Olivier meurt, beaucoup. Comment il s'appelle l'évêque là. Turpin meurt. Et Roland, bah, évidemment, c'est le dernier à mourir. Et il essaie de défoncer son épée parce qu'elle est tellement vaillante qu'il veut pas que les ennemis la récupèrent. Et elle est tellement forte, cette épée, qu'il n'arrive pas à la briser. Donc ça encore, c'est une scène mythique qu'on trouve dans des tableaux, dans des représentations, etc. Il essaie de péter son épée Durandal et il n'y arrive pas. Du coup, il lui parle, « Ah, Durandal, tout ce qu'on a fait ensemble, toi et moi. Oh là là, je t'aime. » Voilà. Donc et après, Quick, il meurt. Il tourne son visage vers l'Espagne pour dire « Ils sont là, les méchants, là-bas !» Voilà, et en fait, dès que Germaine va arriver, il dit « Oh là là, il est tourné vers l'Espagne, les méchants viennent de là, ce sont des traîtres !» Bon, voilà, donc il fait ça, et puis il y a l'archange Gabriel, c'est le merveilleux chrétien, l'archange Gabriel qui vient, qui attrape son âme, etc., etc., et donc il va au paradis, tout va bien. Enfin, ça va mal, mais ça va bien. Et du coup, Charlemagne, il entend le corps, un petit peu avant, tu vois, flashback, au moment où il entend le corps, il fait « Ouh là là, ouh !» Il n'y a pas un corps qui sonne et tout. Et là, il y a Ganelon qui est en train de chevaucher à côté de Charlemagne et qui dit « Mais non, Charlemagne, t'es vieux, t'es con, t'es inquiet. » Il lui dit vraiment ça, en fait. Enfin, il lui dit pas « T'es vieux, t'es con. » Mais il lui dit « Oh là là, oh là là, faut arrêter de nous faire du souci comme ça. Roland a peine tué un lièvre qu'on entend parler pendant 5 mois, il va en sonnant du corps partout. Enfin, il essaie de caricaturer Roland en disant oulala, il est plutôt à claironner que tout va bien que à claironner en appelant au secours. Et l'autre, quand même, il dit ça pue, il aurait pas sonné comme ça parce que l'autre, je rappelle, il se fait péter la tempe quoi. Je sais pas si t'as soufflé une fois assez fort pour ça, voilà, mais il se fait quand même péter la tempe, donc l'autre il se dit quand même que si il a pas dû que tuer un lièvre quoi. Donc il dit allez, on y retourne. Et ça, c'est la bataille numéro 2. En fait, c'est Charlemagne qui revient sur ses pas avec toute son armée pour porter secours à Roland. Et l'arrière-garde, mais quand il arrive, tout le monde est mort. Et comme c'est des épopées sur le modèle d'Homère, etc., on pleure. Donc tous les ils pleurent, ils enterrent les morts, ils sont tristes, machin. C'est triste, c'est le moment triste. Bon. Donc en fait, Charlemagne est là, etc. Et là, en fait, donc, ceux de Marsile ont pris la fuite. Et Marsile, il est rentré chez lui, il fait « Oulala, oulala, on s'est fait défoncer. » En plus, il s'est quand même fait couper la main, machin et tout. Ce qui est symbolique. Bon, peu importe, je m'écarte pas parce que je vais finir le résumé. Donc, il dit « Oulala, peut-être que Dieu est pas avec nous finalement. Notre Dieu à nous, tu sais, donc c'est les religions monothéistes, donc c'est pas forcément un Dieu différent, mais peu importe, machin. » Ouais, bon, peut-être qu'on n'a pas si raison que ça, qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, il avait tellement peur de Charlemagne, là, on nous fait un petit flashback, qu'au moment où il savait que Charlemagne allait traverser vers chez lui, il avait envoyé des lettres, en gros, à tout le Moyen-Orient et au monde arabe, pour dire « Au secours, il y a Charlemagne qui arrive !» Et donc, en fait, les gars sont toujours pas venus, mais ils peuvent à tout moment venir. Et en fait, bah, ça tombe bien, au moment où Charlemagne arrive, et donc il aurait défoncé tout le monde, bah, ce serait moins héroïque si il y avait pas les gars venus de 40 royaumes, c'est-à-dire les alliés de Marsile qui viennent porter secours à Marsile depuis le Moyen-Orient et le monde arabe, qui viennent porter secours à Marsile, comme je l'ai déjà dit, et défoncer Charlemagne. Et là, c'est encore un truc genre 100 000 contre 500 000, enfin un truc complètement disproportionné encore. Et donc, deuxième combat, tout le monde se défonce, la famille du roi des chrétiens se bat contre la famille du roi des rois des alliés, ils viennent de partout, évidemment, et c'est un gros bronx, parce que là encore, faut voir le monde musulman perçu par les gars qui veulent aller inciter les gens à faire des croisades. Alors, leur vision du monde musulman, elle est aberrante, quoi, mais c'est, dans la chanson de Roland, c'est une aberration, quoi. Bon, je finis vite. Donc, bon, bah, surprise, Charlemagne gagne Oh, on s'en serait pas douté. Donc Charlemagne gagne. Donc du coup, les Français rentrent chez eux. Et là, à peine ils arrivent chez eux, que en fait là, on apprend tout soudain, mais on n'en savait rien parce que ce comte Roland, il nous avait pas parlé. Donc on voit arriver une meuf qui fait oh là là, salut, je m'appelle Aude et je suis la fiancée de Roland et je l'aime. Je l'aime, je l'aime, ah je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime tellement. Et en gros elle fait il est où mon mec super valeureux, etc. Et là Charlemagne, il se triture la barbe, il fait comment te dire, il va bien, enfin non il va pas bien, enfin bref il est mort. Voilà, donc il lui balance qu'il est mort. Et après il essaie de lui dire ouais mais t'inquiète pas, j'ai un fils, c'est encore mieux que Roland, pas cher, bon état, tu vois, tu vas rentrer dans ma famille, ça va être top. Et l'autre, elle dit, je comprends pas trop ce que tu me dis et où tu veux en venir. Quick, je peux pas vivre sans Roland. Pouf, elle meurt. Donc ça, c'était la présence féminine dans la chanson de Roland. je sais pas, 6 vers. Sur 4000, quand même. Hein, c'est pas si minuscule que ça, si on y réfléchit. On est quand même au 11e siècle, condition de la femme et tout. Donc, elle meurt. Et puis là, les Français se disent, il y a eu une traîtrise. Alors ils réfléchissent, ah c'est lui le traître, c'est Ganelon, il a toujours voulu que Roland meure et tout ça, méchant, méchant. Et ils se réunissent et là ils disent, oh là là, qu'est-ce qu'on en fait de ce traître, etc. Et ils disent, qu'est-ce qu'on lui fait, on le pend, on les tripe, non on va l'écarteler. Oh ouais ouais. Et là il y a un verre qui dit, et tous tombèrent d'accord qu'il fallait bien l'écarteler. Et donc, ils lui attachent chaque membre à un cheval. Et après, ils fouettent les chevaux. Je crois même qu'ils mettent une jument, genre, pour que les chevaux en rue, ils font, oh là là! Voilà, mais je sais pas comment ils font, ils mettent 4 juments, 4 chevaux en rue. Bon, bref, le mec se fait écarteler par 4 chevaux au galop. Plouf, son sang se répand sur la prairie. Il y a un très gros plan sur la prairie, c'est très bizarre. Et donc, voilà, le mec meurt écartelé. Et ça finit par, en gros, quand on trahit, il n'est pas juste qu'il reste en vie. Qu'on reste en vie. Voilà, donc petite morale de l'histoire, c'est faut pas trahir ton roi. Va te battre contre les musulmans, tout ce qui est pas chrétien. Tu vois, tu peux y aller, donc bien sûr un truc grossi, affolant, etc. Et voilà ce que raconte la chanson de Roland. Voilà, chers auditeurs, vous aurez compris que la littérature du Moyen-Âge est une littérature semi-religieuse. Les textes religieux, chrétiens, didactiques, liturgiques, mystiques et même logiques, en langue latine ou non, est une réalité traitée sous d'autres rubriques, et bien le christianisme. Et c'est ici la fin de l'émission Procope Iseré. Je vous rappelle que vous pouvez réagir sur notre page Facebook Procope Iseré et dans notre boîte email procope.iseré@gmail.com ou écrivez tout simplement sur WhatsApp 61 358 354. Au micro, vous étiez avec Gaspard Nkomazambo. Je vous retrouve dimanche. Au revoir. Procope Iseré. Procope Iseré vous fait découvrir toutes les informations sur les auteurs, les époques, les lieux, les personnages, une problématique, un fait de société qu'un ouvrage évoque, les influences, le genre, les courants littéraires, que sais-je encore. Procope Iseré vous donne la parole, vos idées, vos questions, vos suggestions sont les bienvenues. Procope Iseré, c'est sur la radio Iseré FM, tous les dimanches de 15h30 à 16h30. Procope Iseré, c'est nous, c'est vous, c'est toutes nos idées.